Voyage à Palmyre par Madame Lily Plashkov. Chapitre 1er. Depuis longtemps, je désirais voir Palmyre. Les ruines de cette ville, autrefois splendide, enfouie maintenant dans le désert, l'histoire de sa prospérité, sa prise par les Romains, la chute de Zénobie, sa dernière reine, le supplice du savant Longin, son favori et son conseiller. Tout cet ensemble romanesque m'attirait vers le pays où s'étaient passés tant de faits intéressants et tragiques. Je partis d'Égypte le 9 mars 1872 sur le paquebot Lèbre des messageries françaises et je débarquai à Jaffa où m'attendait le drogman Daïb Fadoul avec les tentes, les chevaux et les mulets de charge. Après avoir parcouru la Palestine et la Syrie, j'arrivai à Damas vers le commencement d'avril. J'y pris quelques mesures de sûreté et je continuai mon voyage pour Palmyre. Autrefois, on faisait un contrat avec un cheik bédouin qui est la tête de quelques centaines de cavaliers et, moyennant une somme de X, escortait les caravanes et les défendait contre les attaques d'autres tribus errantes. Depuis quelques années, les Turcs ont beaucoup poursuivi les bédouins révoltés et actuellement, ce sont les soldats turcs eux-mêmes qui protègent les caravanes en se faisant donner un bakchich, un pourboire. Plusieurs personnes voulurent bien se joindre à ma caravane. Parmi eux se trouvait M. Yonzefovitch, consul de Russie à Damas. Au dernier moment, quelques Français et le comte de M se dédirent du voyage et je partis avec le consul et un photographe marseillais. Le consul se fit escorter par deux cavasses armées jusqu'aux dents. Personne mieux qu'un oriental ne sait se garnir la ceinture de poignards énormes et de pistolets plus terribles à la vue qu'à l'usage. Un sabre gigantesque et recourbé complète d'ordinaire cette panoplie ambulante. La suite, attachée à mon service personnel, se composait de deux femmes de chambre et d'un arabe nommé Mahomet, qui, suivant l'exemple des cavasses, s'arma d'un sabre encore plus grand que les leurs. On ne disait plus Mahomet et son sabre, mais le sabre et Mahomet. Pour terminer ces préparatifs de défense, je mis dans les fonds de ma selle de revolver que je considérais par moi comme les plus sûrs de tous ces engins meurtriers. Le 15 avril, le campement fut levé. Les départs des caravanes se font toujours avec une certaine solennité. Sans parler des flâneurs et des badauds, il vint un grand nombre de personnes, d'amis, de connaissances et quelques subordonnés du consul pour assister à notre départ et nous accompagner à quelque distance de la ville en exécutant des fantasias. En quittant Damas, nous marchâmes pendant une demi-heure dans une zone de verdure arrosée par de nombreux ruisseaux qui serpentent à travers les plantations. Au lieu de traverser les gués prudemment, nous y entrions au hasard, où nous les franchissions en faisant sauter nos montures. Mon drogman, vêtu d'un costume superbe, ne tarda pas à prendre un bain complet et fort inattendu au beau milieu de l'un de ces petits ruisseaux. Bientôt après, nous gagnâmes les collines sablonneuses pour éviter le désert, car des émissaires envoyés par le consul nous avertirent que des bédouins y rôdaient. La magie de la lumière embellit en Orient les choses les plus laides. Le jour, une colline aride, sable et rocher, paraît d'un bleu d'outre-mer superbe. Le soir, elle est d'un rouge si éclatant ou d'un rose si vif qu'on en reste ébloui. Des cavaliers drapés dans des abayas blanches et déchirés ou brunes à raies blanches paraissent des rois de féerie, tandis que de près, ce ne sont que de pauvres gueux tout couverts de haillons. Cette première journée de marche fut courte à cause de notre départ tardif. Au commencement de chaque voyage, les chargements de mulets se font toujours avec beaucoup de lenteur. Nous nous arrêtâmes à El Koutaïfe, petit village situé près d'un ruisseau. Après une dernière course fantasia dans la plaine, suivie d'un bon dîner, chacun de nous se retira sous sa tente. Notre campement se composait de plusieurs tentes, de la mienne, à laquelle était annexé un cabinet de toilette, de celle du consul, d'une tente salon et salle à manger, de celle de mes femmes de chambre, du drogman, des domestiques et enfin d'une tente cantine et d'une cuisine. 33 mulets de charge portaient nos bagages. Il y avait aussi quelques ânes pour les moukers, qui étaient au nombre de 20, presque tous venant d'Azbeïa ou de Bachaïa, ville située dans l'anti-Liban. Nous avions à notre service une douzaine de chevaux de selle. En avançant, nous devions prendre une escorte de soldats. Le lendemain, nous fûmes obligés de voyager pendant 7 heures pour arriver au village de Djeroud, où il y avait une garnison destinée à maintenir les Bédouins en respect. Le moudir et les autorités nous reçurent avec beaucoup de cordialité et de politesse. Le premier mit à notre disposition une vingtaine de soldats pour veiller à notre sûreté. Ces soldats étaient pacifiquement montés sur des mulets. Le fils du moudir, un jeune homme d'une beauté remarquable, s'offrit pour nous escorter. Il était monté sur une belle jument et portait une abaya bleue et or qui resplendissait au soleil. Les occasions d'exhiber une belle parure sont rares au désert. Aussi en était-il tout glorieux et chevauchait-il fièrement en faisant caracoler sa monture. Il se proposait de nous accompagner jusqu'à Karatein, à 2 journées de Djeroud, mais le hasard en disposa autrement. Mahomet et lui se heurtèrent en galopant avec une si grande violence que nous ne vîmes plus qu'un nuage de poussière. Puis les 2 cavaliers et leurs chevaux roulaient à terre. Quand on les releva, Mahomet avait la main si contusionnée qu'elle enfla fortement et le fils du moudir avait le bras démis. Celui-ci fut obligé de retourner à Djeroud pour se faire soigner et nous le quittâmes le cœur serré car il souffrait beaucoup. Nous avancions tranquillement entre 2 chaînes de collines dans une vallée assez étroite quand nous aperçûmes un grand troupeau d'ânes, de chevaux, de chameaux et des tentes de bédouins éparses sur les collines. À cette vue, le consul ordonna à la caravane de se resserrer, de mettre les mulets de charge au milieu et nous sur les flancs. Les bédouins étaient armés de longues piques terminées en lances. Tous étaient maigres et hâves, mais ils avaient au suprême degré l'expression calme et grandiose de l'habitant du désert. Le consul envoya l'un des soldats de l'escorte à Djeroud pour demander du renfort. Nous supposions alors que c'était une des tribus soumises qui faisait paître ses troupeaux, mais nous apprîmes plus tard que, sans le savoir, nous avions couru un grand danger. C'était le noyau d'une tribu de 17 000 bédouins révoltés qu'Omer Pacha poursuivait depuis les bords de l'Euphrate sans pouvoir les atteindre. Du reste, soumis ou non, on peut s'attendre à tout de la part des bédouins. Aussi marchions-nous avec l'énergie de gens impatients de mettre une certaine distance entre eux et une troupe d'individus problématiques, lorsqu'un des cavaliers nous avertit que nous avions encore 9 heures de marche pour arriver à une source et qu'on s'était trompé dans les calculs. Il est de la plus haute importance de trouver de l'eau dans le désert, et les trajets d'une source à l'autre doivent être scrupuleusement calculés. Si l'on sait à l'avance qu'il ne s'en trouvera point pendant plusieurs jours, on prend des chameaux pour porter de l'eau dans des outres. Après une assez longue conférence, un de nos soldats dit qu'il connaissait un endroit où il y avait une citerne, mais que pour y parvenir, il fallait rebrousser chemin et marcher pendant 1 heure et demie du côté des Bédouins. À ces mots, notre caravane fit volte-face et nous atteignîmes un monticule au milieu de la plaine que nous suivions depuis le matin. Un de nos hommes déplaça une grosse pierre et dans un trou profond nous aperçûmes un point brillant, c'était de l'eau. Depuis Damas, je ne buvais que du vin. L'eau du désert a bien mauvais goût. Elle est remplie de germes de sangsue. Le ver solitaire est une maladie commune dans ces contrées. Après avoir donné des ordres pour que les sentinelles veillassent toute la nuit et nous avertissent par un coup de fusil du moindre danger, nous nous livrâmes au sommeil. À notre réveil, nous apprîmes que nous avions 9 heures de marche jusqu'à la première source. Nous devions traverser une longue vallée entourée de collines qui semblaient tantôt s'élancer dans les airs, tantôt plonger dans des lacs d'eau limpide. C'était l'effet du mirage. Vers le sud-est, nous apercevions toujours les cimes neigeuses du Liban. Il était dit que les premiers jours de notre voyage devaient être marqués d'incidents plus ou moins émouvants. Nous nous arrêtâmes pour déjeuner auprès des débris d'un fort en ruine. Il fallait manger vite, car les mulets de charge, ne devant être allégés de leur fardeau qu'à la fin de la journée, ne pouvaient rester longtemps sur place. Je me remis à cheval à la hâte sans prendre mes précautions habituelles, c'est-à-dire sans m'assurer si la selle était assez sanglée et si le mors était en ordre. Je devais examiner chaque matin les fers de mon cheval, précaution indispensable contre la nonchalance des saillies. J'eus bientôt à me repentir de ma négligence de ce jour. À peine en selle, je fis franchir un petit fossé à mon cheval, mais je sentis bientôt qu'il m'échappait. Pourtant, j'espérais encore m'en rendre maîtresse et ne m'effrayais pas trop. Il continua sa course folle en descendant une colline couverte de grosses pierres roulantes, puis il franchit plusieurs ravins sans ralentir son allure impétueuse. La pensée va vite dans les moments de danger. Je me disais, est-ce bien moi? Non, c'est un rêve, un affreux cauchemar qui me poursuit. Ce cheval va me tuer, me casser quelques membres. Faut-il sauter à terre? Non, mon Amazone s'accrocherait à la corne de ma selle. En attendant, le cheval courait toujours et mes mains étaient toutes couvertes de sang, à force de tirer les guides. Cependant, comme je pouvais encore le diriger, je le lançai au milieu d'un troupeau de moutons conduits par des bédouins. Le troupeau se dispersa en un clin d'œil, et les bédouins disparurent au lieu de chercher à arrêter le cheval. J'avis alors un précipice qui longeait une montagne escarpée, et je dirigeai de ce côté l'animal fougueux. Je me dis que s'il devait me tuer, ce serait ainsi plus vite fini. Il s'arrêta court sur le bord du précipice, puis retourna sur ses pas sans ralentir sa course effrénée. Je me couchai sur lui, et le tirant par la têtière, je parvins à le contenir un peu. Je ne perdis pas courage et tirai toujours en abandonnant la bride. Enfin, il s'arrêta. La pauvre bête tremblait de tous ses membres. Moi, j'étais suffoqué, haletante et toute contusionnée. J'examinai le mort et vis qu'on avait négligé de serrer la gourmette, qui avait été dégrafée pour abreuver le cheval. Dès lors, la bride n'avait plus d'action. Cette course m'avait véritablement brisé. Malgré cela, je dus me remettre bientôt en selle, après n'avoir pris que peu d'instants de repos, couché sur un tapis étendu sur le sable. Quelques heures après, nous campâmes dans une plaine toute couverte d'arbrisseaux grisâtres, que les chamois aiment particulièrement. Nous avions une longue journée de 10 heures en perspective avant d'arriver à Karatein, dernier fort situé dans le désert. C'est de Karatein que partit Volney lors de son intéressant voyage. Plusieurs cavaliers arabes, faisant partie de notre escorte, trouvèrent une grande quantité de truffes blanches. Je me fis indiquer à plusieurs reprises les endroits qu'ils assuraient devoir en renfermer. Je les voyais creuser un peu et les truffes apparaissaient aussitôt. Elles sont excellentes au goût et très parfumées, surtout quand on les mange le même jour. J'espérais apercevoir Karatein avant le coucher du soleil, mais nous n'y arrivâmes qu'à la tombée de la nuit. Les bédouins soumis habitant autour du fort vinrent à notre rencontre, leur cheikh en tête. Ils étaient montés sur de superbes juments. Le cheikh, beau comme un assyrien des bas-reliefs de Ninive, nous conduisit près d'un ruisseau sur les bords duquel le campement fut établi. Pendant qu'on procédait à l'installation des tentes, les bédouins exécutèrent des fantasias en faisant tournoyer leurs armes au-dessus de leurs têtes. Ils feignaient de se poursuivre, de s'attaquer mutuellement, se jetant en brides abattues les uns sur les autres et s'évitant ensuite en tournant rapidement. La lune s'était levée, lumineuse et splendide, et les évolutions de ces cavaliers vêtus de manteaux blancs produisaient un effet vraiment saisissant et fantastique. Pour dresser leurs chevaux à ce jeu, on dit qu'ils présentent à l'œil de l'animal, du côté opposé à celui vers lequel ils veulent le tourner, une flamme qui l'effraie et fait qu'il se jette avec frénésie dans la direction contraire. Il fallait rester 2 jours à Karatein pour organiser la traversée de cette partie du désert dénuée de sources d'eau jusqu'à Palmyre. Le beau cheikh m'invita à visiter son harem. Je trouvais ses femmes et ses sœurs très belles. C'est une race presque blanche, avec des joues rosées, de grands yeux ornés de cils très longs et très noirs, et des sourcils épais et bien arqués. Le contour de leur visage est très allongé et leur taille est élancée. En un mot, c'est un très beau type. Ils se disent bédouins, mais leur figure n'offre pas les traits qui caractérisent ces derniers, qui ont le visage maigre et hâlé, le nez busqué, et qui sont tous originaires de l'Arabie. Ce mélange très tranché de races et de types descendant des Assyriens, des Phéniciens, des Mèdes et des Perses est fort curieux à observer. Le beau cheikh me parut être un véritable despote chez lui. Toutes ses femmes obéissaient au moindre de ses gestes et ne le quittaient pas des yeux. Ses enfants sont superbes, robustes et resplendissants de santé. Le médecin du fort de Karatein, un Allemand fort instruit, me dit que la sécheresse du climat et les qualités de l'eau, qui a des affinités avec celle de Vichy, sont cause qu'il y a très peu de malades dans cette contrée. Parmi les soldats, on en compte à peine 1 ou 2 par année. Cependant, le consul et le drogman étaient engagés dans un entretien sérieux avec le cheikh et les officiers du fort. Nous apprîmes que quelques jours avant notre arrivée, le comte de M avait passé par Karatein en allant et en revenant de Palmyre et qu'il avait eu du côté des ruines une aventure assez sérieuse. Des bédouins l'avaient attaqué et quelques coups de fusil avaient été échangés. Puis, après de longs pourparlers, son drogman, les ayant menacés des canons de l'Europe entière, il s'était retiré en acceptant quelques cadeaux. Le comte était du reste une mince proie. Il avait à peine 2 mulets de charge. Quant à nous, il nous fallait songer sérieusement à prendre des mesures de sûreté, notre caravane étant d'une valeur plus attrayante. Nous prîmes en conséquence 16 soldats, commandés par un officier et 10 cavaliers bédouins. Comme d'habitude en Turquie, ces soldats étaient montés sur des mulets. En outre, 35 chameaux furent loués pour transporter le nécessaire à la caravane. Après quelques discussions entre nous, on convint que les femmes ne pouvant faire des trajets aussi longs que les hommes sans épuiser leurs forces, on ne lèverait dorénavant le camp qu'à midi, qu'on dînerait pendant le chargement des mulets et qu'on ne se mettrait en marche qu'à 1 heure de l'après-midi. La marche devait durer jusqu'à 6 heures, puis après un souper à la hâte, il faudrait continuer le voyage jusqu'à 2 ou 3 heures de la nuit, ce qui ferait au total 11 heures de marche par jour. Avec cet itinéraire, on pouvait traverser le désert en 2 jours et arriver à Palmyre dans l'après-midi du 3e. La pleine lune favoriserait notre traversée du désert, et il était plus sûr de voyager la nuit afin d'éviter les bédouins rôdeurs qui, grâce à la limpidité de l'atmosphère, aperçoivent les voyageurs à une distance de 6 heures de marche et se font entre eux des signaux en soulevant à certains intervalles de gros nuages de poussière. Nous quittâmes Karatein le 22 avril. Les bédouins du fort, leur cheikh en tête, nous accompagnèrent en exécutant des prouesses hippiques vraiment stupéfiantes. Leurs juments lestes et vives couraient et fendaient l'air avec une agilité tout à fait extraordinaire. Quelques-unes d'entre elles étaient suivies de leurs poulains. Nous fîmes boire une dernière fois nos montures en traversant le ruisseau. L'eau portée par les chameaux n'est jamais aussi bonne que l'eau des sources, car elle s'imprègne de l'odeur des outres. De plus, elle est chauffée toute la journée par les rayons du soleil d'une part et le corps de l'animal de l'autre. Entre Karatein et Palmyre, la plaine est entourée de montagnes. Il y en a d'isolées qui ressemblent à des îles. Le mirage continuant de tromper nos yeux, les montagnes éloignées que nous avions devant nous paraissaient plongées dans les eaux calmes et bleues d'un lac. À mesure que nous avancions, le mirage disparaissait pour reparaître au plus loin. Cette plaine, toute couverte d'herbes et de fleurs en hiver et au printemps, devient d'une aridité désolante en été et se transforme, dans cette saison, en un vrai désert de sable brûlant. Pendant tout le mois d'avril, l'herbe est si émaillée de fleurs aux couleurs variées qu'on se croirait devant un parterre ravissant créé par les mains habiles d'un horticulteur. À 6 heures, nous fîmes une halte. Nous soupâmes à la hâte, à terre, sur un tapis, par pitié pour nos mulets qui piétinaient d'impatience. Lorsque nous reprîmes notre marche, le drogman et le docteur de Karatein attirèrent mon attention sur un point sombre qu'on apercevait dans le lointain. Ils me dirent que c'était une tour du Moyen-Âge qui se trouvait à 4 heures de marche du point où nous étions. Nous pouvions établir notre campement à 3 heures de marche au-delà de cette tour, qui était autrefois reliée aux montagnes par un aqueduc destiné à porter l'eau d'une source au désert. Cet aqueduc, actuellement en ruine, témoigne du grand nombre de caravanes qui passaient par ce chemin. Rien ne rappelle l'océan comme le désert, où l'on a devant soi un horizon immense, toujours le même, sans chemin tracé, sans accident de terrain. Nos montres seules nous disaient que nous avancions. Quant aux montagnes, qu'on découvrait dans le lointain, elles se trouvaient si éloignées que leur silhouette ne variait pas de la journée. Les bédouins de notre escorte couraient quelquefois devant nous pour rectifier la direction à suivre, car en nous écartant tantôt à droite, tantôt à gauche, nous finissions par retarder notre marche. Les bédouins qui se dirigent toujours par le soleil ne se trompent jamais. Bientôt la lune parut et éclaira notre caravane, qui faisait l'effet d'être double, grâce aux ombres gigantesques qu'elle projetait. Les bédouins se mirent à chanter un air plein de caractère, quoique assez monotone, dont on retrouve des motifs dans l'Aïda de Verdi. Est-ce un simple hasard, une divination du maestro, je ne sais. Vers minuit, un insurmontable besoin de sommeil nous saisit. Malheureusement, nous ne pûmes nous y abandonner. Les hommes peuvent quelquefois dormir à cheval. Quant à nous, assises de côté, nous perdrions facilement l'équilibre en fermant les yeux. À la fin, nous dépassâmes la tour mentionnée plus haut, et à 3 heures du matin, nous nous trouvâmes campés en plein désert. Les cris des chacals troublèrent seuls le silence de la nuit. Le lendemain, même plaine, même horizon de montagne bleue. Elle n'avait point changé d'une ligne, seulement nous avions la tour derrière nous, au lieu de la voir devant nous. Nos bédouins tuèrent un énorme lézard d'un mètre de long, couleur poussière, qui ressemblait à un petit crocodile à bannes claires. Vers 5 heures, je jetai tout d'un coup un cri de frayeur. Mon cheval venait de passer par-dessus un énorme serpent gris argent, long d'environ 2 mètres. Les bédouins le tuèrent aussitôt avec leurs lances. Il était environ 7 heures du soir quand nous aperçûmes deux points élevés à l'entrée d'un défilé de montagnes. C'étaient les tombeaux des Palmyréens, mais il y avait encore 10 heures de marche pour les atteindre. Le consul envoya des cavaliers bédouins à la recherche d'une source qui jaillit à 2 heures de Palmyre, avec ordre de tirer un coup de fusil aussitôt qu'il l'apercevrait. Cette source, si ardemment désirée, fut enfin trouvée. Elle était toute remplie de sangsues et plus tard, nos pauvres chevaux en ressentirent les effets. Des sangsues s'étaient collées à leur palais, leur faisaient rendre une bave mêlée de sang, ce qui nous obligea à les en faire arracher.